L'île mystérieuse de Jules Verne, dit par Jean-François Ricoux pour audiocité.net. Chapitre 13. Qu'était-il arrivé? Qui avait frappé les convicts? Était-ce donc Ayrton? Non, puisqu'un instant avant, ils redoutaient leur retour. Mais Ayrton était alors sous l'empire d'un assoupissement profond, dont il ne fut plus possible de le tirer. Après les quelques paroles qu'il avait prononcées, une torpeur accablante s'était emparée de lui, et il était retombé sur son lit, sans mouvement. Les colons, en proie à mille pensées confuses, sous l'influence d'une violente surexcitation, attendirent pendant toute la nuit, sans quitter la maison d'Ayrton, sans retourner à cette place où gisaient les corps des convicts. À propos des circonstances dans lesquelles ceux-ci avaient trouvé la mort, il était vraisemblable qu'Ayrton ne pourrait rien leur apprendre puisqu'il ne savait pas lui-même être dans la maison du corral, mais au moins serait-il en mesure de raconter les faits qui avaient précédé cette terrible exécution. Le lendemain, Ayrton sortait de cette torpeur et ses compagnons lui témoignaient cordialement toute la joie qu'ils éprouvaient à le revoir, à peu près sain et sauf, après 104 jours de séparation. Ayrton raconta alors en peu de mots ce qui s'était passé, ou du moins ce qu'il savait. Le lendemain de son arrivée au corral, le 10 novembre dernier, à la tombée de la nuit, il fut surpris par les convicts qui avaient escaladé l'enceinte. Ceux-ci le lièrent et le bâillonnèrent. Puis il fut emmené dans une caverne obscure, au pied du mont Franklin, là où les convicts s'étaient réfugiés. Sa mort avait été résolue, et le lendemain, il allait être tué lorsqu'un des convicts le reconnut et l'appela du nom qu'il portait en Australie. Ces misérables voulaient massacrer Ayrton, ils respectèrent Ben Joyce. Mais depuis ce moment, Ayrton fut en butte aux obsessions de ses anciens complices. Ceux-ci voulaient le ramener à eux, et ils comptaient sur lui pour s'emparer de Granite House, pour pénétrer dans cette inaccessible demeure, pour devenir les maîtres de l'île après en avoir assassiné les colons. Ayrton résista. L'ancien convict, repentant et pardonné, fut plutôt mort que de trahir ses compagnons. Ayrton, attaché, bâillonné, gardé à vue, vécut dans cette caverne pendant 4 mois. Cependant, les convicts avaient découvert le corral peu de temps après leur arrivée sur l'île, et depuis lors, ils vivaient sur ses réserves, mais ils ne l'habitaient pas. Le 11 novembre, deux de ces bandits, inopinément surpris par l'arrivée des colons, firent feu sur Harbert, et l'un d'eux revint en se vantant d'avoir tué un des habitants de l'île, mais il revint seul. Son compagnon, on le sait, était tombé sous le poignard de Cyrus Smith. Que l'on juge des inquiétudes et du désespoir d'Ayrton quand il apprit cette nouvelle et la mort d'Harbert. Les colons n'étaient plus que 4, et pour ainsi dire à la merci des convicts. À la suite de cet événement, et pendant tout le temps que les colons, retenus par la maladie d'Harbert, demeurèrent au corral, les pirates ne quittèrent pas leur caverne, et même, après avoir pillé le plateau de grande vue, ils ne crurent pas prudent de l'abandonner. Les mauvais traitements infligés à Ayrton redoublèrent alors. Ses mains et ses pieds portaient encore la sanglante empreinte des liens qu'il avait attachés jour et nuit. À chaque instant, il attendait la mort à laquelle il ne semblait pas qu'il pût échapper. Ce fut ainsi jusqu'à la 3e semaine de février. Les convicts, guettant toujours une occasion favorable, quittèrent rarement leur retraite et ne firent que quelques excursions de chasse, soit à l'intérieur de l'île, soit jusque sur la côte méridionale. Ayrton n'avait plus de nouvelles de ses amis et il n'espérait plus les revoir. Enfin, le malheureux, affaibli par les mauvais traitements, tomba dans une prostration profonde qui ne lui permit plus ni de voir ni d'entendre. Aussi, à partir de ce moment, c'est-à-dire depuis 2 jours, il ne pouvait même dire ce qui s'était passé. Mais, monsieur Smith, ajouta-t-il, puisque j'étais emprisonné dans cette caverne, comment se fait-il que je me retrouve au corral? Comment se fait-il que les convicts soient étendus là, morts, au milieu de l'enceinte? Répondit l'ingénieur. Morts? S'écria Ayrton, qui, malgré sa faiblesse, se souleva à demi. Ses compagnons le soutinrent. Il voulut se lever. On le laissa faire, et tous se dirigèrent vers le petit ruisseau. Il faisait grand jour. Là, sur la berge, dans la position où les avait surpris une mort qui avait dû être foudroyante, gisaient les 5 cadavres des convicts. Ayrton était atterré. Cyrus Smith et ses compagnons le regardaient sans prononcer une parole. Sur un signe de l'ingénieur, Nab et Pencroff visitèrent ces corps déjà raidis par le froid. Ils ne portaient aucune trace apparente de blessure. Seulement, après les avoir rigoureusement examinés, Pencroff aperçut au front de l'un, à la poitrine de l'autre, au dos de celui-ci, à l'épaule de celui-là, un petit point rouge, sorte de contusion à peine visible, et dont il était impossible de reconnaître l'origine. C'est là qu'ils ont été frappés, dit Cyrus Smith. Mais avec quelle arme? S'écria le reporter. Une arme foudroyante, dont nous n'avons pas le secret. Et qui les a foudroyés? Demanda Pencroff. Le justicier de l'île, répondit Cyrus Smith, celui qui vous a transporté ici, à Ayrton, celui dont l'influence vient encore de se manifester, celui qui fait pour nous tout ce que nous ne pouvons faire nous-mêmes, et qui, cela fait, se dérobe à nous. Cherchons-le donc, s'écria Pencroff. Oui, cherchons-le, répondit Cyrus Smith. Mais l'être mystérieux qui accomplit de tels prodiges, nous ne le trouverons que s'il lui plaît enfin de nous appeler à lui. Cette protection invisible, qui réduisait à néant leur propre action, irritait et touchait à la fois l'ingénieur. L'infériorité relative qu'elle constatait était de celle dont une âme fière peut se sentir blessée. Une générosité qui s'arrange de façon à éluder toute marque de reconnaissance accusait une sorte de dédain pour les obligés, qui gâtait jusqu'à un certain point, aux yeux de Cyrus Smith, le prix du bienfait. Cherchons, reprit-il, et Dieu veuille qu'il nous soit permis un jour de prouver à ce protecteur hautain qu'il n'a point affaire à des ingrats. Que ne donnerais-je pas pour que nous puissions nous acquitter envers lui, en lui rendant à notre tour, et fût-ce au prix de notre vie, quelque signalé service. Depuis ce jour, cette recherche fut l'unique préoccupation des habitants de l'île Lincoln. Tous les poussaient à découvrir le mot de cette énigme, mot qui ne pouvait être que le nom d'un homme doué d'une puissance véritablement inexplicable et en quelque sorte surhumaine. Après quelques instants, les colons rentrèrent dans l'habitation du corral où leurs soins rendirent promptement à Ayrton son énergie morale et physique. Nab et Pencroff transportèrent les cadavres des convicts dans la forêt, à quelque distance du corral, et ils les enterrèrent profondément. Puis, Ayrton fut mis au courant des faits qui s'étaient accomplis pendant sa séquestration. Il apprit alors les aventures d'Harbert, et par quelle série d'épreuves les colons avaient passé. Quant à ceux-ci, ils n'espéraient plus revoir Ayrton, et avaient à redouter que les convicts ne l'eussent impitoyablement massacré. Et maintenant, dit Cyrus Smith, en terminant son récit, il nous reste un devoir à accomplir. La moitié de notre tâche est remplie, mais si les convicts ne sont plus à craindre, ce n'est pas à nous que nous devons d'être devenus maîtres de l'île. Eh bien, répondit Gédéon Spilett, fouillons tout ce labyrinthe des contreforts du mont Franklin. Ne laissons pas une excavation, pas un trou inexploré. Ah, si jamais reporter s'est trouvé en présence d'un mystère émouvant, c'est bien moi qui vous parle, mes amis. Et nous ne rentrerons à Granite House, répondit Harbert, que lorsque nous aurons retrouvé notre bienfaiteur. Oui, dit l'ingénieur, nous ferons tout ce qu'il est humainement possible de faire. Mais je le répète, nous ne le retrouverons que s'il veut bien le permettre. Restons-nous au corral? Demanda Pencroff. Restons-y, répondit Cyrus Smith, les provisions y sont abondantes, et nous sommes ici au centre de notre cercle d'investigation. D'ailleurs, si cela est nécessaire, le chariot se rendra rapidement à Granite House. Bien, répondit le marin, seulement une observation. Laquelle? Voici la belle saison qui s'avance, et il ne faut pas oublier que nous avons une traversée à faire. Une traversée? Dit Gédéon Spilett. Oui, celle de l'île Tabor, répondit Pencroff. Il est nécessaire d'y porter une notice qui indique la situation de notre île, où se trouve actuellement Ayrton, pour le cas où le yacht écossais viendrait le reprendre. Qui sait s'il n'est pas déjà trop tard? Mais Pencroff, demanda Ayrton, comment comptez-vous faire cette traversée? Sur le Bonaventure. Le Bonaventure, s'écria Ayrton, il n'existe plus. Mon Bonaventure n'existe plus? Hurla Pencroff en bondissant. Non, répondit Ayrton. Les convicts l'ont découvert dans son petit port il y a 8 jours à peine. Ils ont pris la mer et... Et, fit Pencroff, dont le cœur palpitait. Et n'ayant plus Bob Harvey pour manœuvrer, ils se sont échoués sur les roches, et l'embarcation a été entièrement brisée. Ah, les misérables, les bandits, les infâmes coquins! S'écria Pencroff. Pencroff, dit Harbert en prenant la main du marin, nous ferons un autre Bonaventure, un plus grand. Nous avons toutes les ferrures, tout le gréement du brick à notre disposition. Mais savez-vous, répondit Pencroff, qu'il faut au moins 5 à 6 mois pour construire une embarcation de 30 à 40 tonneaux? Nous prendrons notre temps, répondit le reporter, et nous renoncerons pour cette année à faire la traversée de l'île Tabor. Que voulez-vous, Pencroff? Il faut bien se résigner, dit l'ingénieur, et j'espère que ce retard ne nous sera pas préjudiciable. Ah, mon Bonaventure! Mon pauvre Bonaventure! S'écria Pencroff, véritablement consterné de la perte de son embarcation dont il était si fier. La destruction du Bonaventure était évidemment un fait regrettable pour les colons, et il fut convenu que cette perte devrait être réparée au plus tôt. Ceci bien arrêté, on ne s'occupa plus que de mener à bonne fin l'exploration des plus secrètes portions de l'île. Les recherches furent commencées le jour même, 19 février, et durèrent une semaine entière. La base de la montagne, entre ses contreforts et leurs nombreuses ramifications, formait un labyrinthe de vallées et de contre-vallées disposées très capricieusement. C'était évidemment là, au fond de ces étroites gorges, peut-être même à l'intérieur du massif du mont Franklin, qu'il convenait de poursuivre les recherches. Aucune partie de l'île n'eût été plus propre à cacher une habitation dont l'hôte voulait rester inconnu. Mais tel était l'enchevêtrement des contreforts que Cyrus Smith dut procéder à leur exploration avec une sévère méthode. Les colons visitèrent d'abord toute la vallée qui s'ouvrait au sud du volcan et qui recueillait les premières eaux de la rivière de la chute. Ce fut là qu'Ayrton leur montra la caverne où s'étaient réfugiés les convicts et dans laquelle il avait été séquestré jusqu'à son transport au corral. Cette caverne était absolument dans l'état où Ayrton l'avait laissé. On y retrouva une certaine quantité de munitions et de vivres que les convicts avaient enlevés avec l'intention de se créer une réserve. Toute la vallée qui aboutissait à la grotte, vallée ombragée de beaux arbres, parmi lesquels dominaient les conifères, fut explorée avec un soin extrême, et le contrefort sud-ouest ayant été tourné à sa pointe, les colons s'engagèrent dans une gorge plus étroite qui s'amorçait à cet entassement si pittoresque des basaltes du littoral. Ici, les arbres étaient plus rares. La pierre remplaçait l'herbe. Les chèvres sauvages et les mouflons gambadaient entre les roches. Là commençait la partie aride de l'île. On pouvait reconnaître déjà que, de ces nombreuses vallées qui se ramifiaient à la base du mont Franklin, 3 seulement étaient boisées et riches en pâturages comme celle du Corral, qui confinait par l'ouest à la vallée de la rivière de la Chute et par l'est à la vallée du Creek Rouge. Ces 2 ruisseaux, changés plus bas en rivière par l'absorption de quelques affluents, se formaient de toutes les eaux de la montagne et déterminait ainsi la fertilité de sa portion méridionale. Quant à la Mercy, elle était plus directement alimentée par d'abondantes sources, perdues sous le couvert du bois de Jacamar, et c'était également des sources de cette nature qui, s'épanchant par mille filets, abreuvait le sol de la presqu'île Serpentine. Or, de ces 3 vallées où l'eau ne manquait pas, l'une aurait pu servir de retraite à quelque solitaire qui y eût trouvé toutes les choses nécessaires à la vie. Mais les colons les avaient déjà explorées, et nulle part ils n'avaient pu constater la présence de l'homme. Était-ce donc au fond de ces gorges arides, au milieu des éboulis de roches, dans les âpres ravins du nord, entre les coulées de lave que se trouverait cette retraite et son hôte? La partie nord du mont Franklin se composait uniquement à sa base de 2 vallées larges, peu profondes, sans apparence de verdure, semées de blocs erratiques, zébrées de longues moraines, pavées de lave, accidentées de grosses tumeurs minérales, saupoudrées d'obsidienne et de labradorite. Cette partie exigea de longues et difficiles explorations. Là se creusaient 1000 cavités, peu confortables sans doute, mais absolument dissimulées et d'un accès difficile. Les colons visitèrent même de sombres tunnels, qui dataient de l'époque plutonienne, encore noircis par le passage des feux d'autrefois, et qui s'enfonçaient dans le massif du mont. On parcourut ces sombres galeries, on y promena des résines enflammées, on fouilla les moindres excavations, on sonda les moindres profondeurs. Mais partout le silence, l'obscurité, il ne semblait pas qu'un être humain eût jamais porté ses pas dans ces antiques couloirs, que son bras eût jamais déplacé un seul de ces blocs. Tels ils étaient, tels le volcan les avait projetés au-dessus des eaux à l'époque de l'émersion de l'île. Cependant, si ces substructions parurent être absolument désertes, si l'obscurité y était complète, Cyrus Smith fut forcé de reconnaître que l'absolu silence n'y régnait pas. En arrivant au fond de l'une de ces sombres cavités, qui se prolongeait sur une longueur de plusieurs centaines de pieds à l'intérieur de la montagne, il fut surpris d'entendre de sourds grondements, dont la sonorité des roches accroissait l'intensité. Gédéon Spilett, qui l'accompagnait, entendit également ces lointains murmures qui indiquaient une revivification des feux souterrains. À plusieurs reprises, tous deux écoutèrent, et ils furent d'accord sur ce point que quelques réactions chimiques s'élaboraient dans les entrailles du sol. « Le volcan n'est donc pas totalement éteint ?» dit le reporter. Il est possible que, depuis notre exploration du cratère, répondit Cyrus Smith, quelque travail se soit accompli dans les couches inférieures. Tout volcan, bien qu'on le considère comme éteint, peut évidemment se rallumer. Mais si une éruption du mont Franklin se préparait, demanda Gédéon Spilett, est-ce qu'il n'y aurait pas danger pour l'île Lincoln? Je ne le pense pas, répondit l'ingénieur. Le cratère, c'est-à-dire la soupape de sûreté, existe, et le trop-plein des vapeurs et des laves s'échappera, comme il le faisait autrefois, par son exutoire accoutumé. À moins que ces laves ne se fraient un nouveau passage vers les parties fertiles de l'île. Pourquoi, mon cher Spilett, répondit Cyrus Smith, pourquoi ne suivraient-elles pas la route qui leur est naturellement tracée? Eh, les volcans sont capricieux, répondit le reporter. Remarquez, reprit l'ingénieur, que l'inclinaison de tout le massif du mont Franklin favorise l'épanchement des matières vers les vallées que nous explorons en ce moment. Il faudrait qu'un tremblement de terre changeât le centre de gravité de la montagne pour que cet épanchement se modifiât. Mais un tremblement de terre est toujours à craindre dans ces conditions, fit observer Gédéon Spilett. Toujours, répondit l'ingénieur, surtout quand les forces souterraines commencent à se réveiller et que les entrailles du globe risquent d'être obstruées après un long repos. Aussi, mon cher Spilett, une éruption serait-elle pour nous un fait grave, et vaudrait-il beaucoup mieux que ce volcan n'eût pas la velléité de se réveiller? Mais nous n'y pouvons rien, n'est-ce pas? En tout cas, quoi qu'il arrive, je ne crois pas que notre domaine de grande vue puisse être sérieusement menacé. Entre lui et la montagne, le sol est notablement déprimé, et si jamais les laves prenaient le chemin du lac, elles seraient rejetées sur les dunes et les portions voisines du golfe du Requin. Nous n'avons encore vu à la tête du mont aucune fumée qui indique quelque éruption prochaine, dit Gédéon Spilett. Non, répondit Cyrus Smith, pas une vapeur ne s'échappe du cratère, dont précisément hier j'ai observé le sommet. Mais il est possible que, à la partie inférieure de la cheminée, le temps ait accumulé des rocs, des cendres, des laves durcies, et que cette soupape dont je parlais soit trop chargée momentanément. Mais au premier effort sérieux, tout obstacle disparaîtra, et vous pouvez être certain, mon cher Spilett, que ni l'île, qui est la chaudière, ni le volcan, qui est la cheminée, n'éclateront sous la pression des gaz. Néanmoins, je le répète, mieux vaudrait qu'il n'y eût pas d'éruption. Et cependant, nous ne nous trompons pas, reprit le reporter. On entend bien de sourds grondements dans les entrailles mêmes du volcan. En effet, répondit l'ingénieur qui écouta encore avec une extrême attention, il n'y a pas à s'y tromper. Là se fait une réaction dont nous ne pouvons évaluer l'importance ni le résultat définitif. Cyrus Smith et Gédéon Spilett, après être sortis, retrouvèrent leurs compagnons auxquels ils firent connaître cet état de choses. « Bon, s'écria Pencroff, ce volcan, qui voudrait faire des siennes? Mais qu'il essaie, il trouvera son maître. »« Qui donc ?» demanda Nab. « Notre génie, Nab, notre génie, qui lui bâillonnera son cratère, s'il fait seulement mine de l'ouvrir. » On le voit, la confiance du marin envers le dieu spécial de son île était absolue, et certes, la puissance occulte qui s'était manifestée jusqu'ici, par tant d'actes inexplicables, paraissait être sans limite. Mais aussi, elle sut échapper aux minutieuses recherches des colons, car, malgré tous leurs efforts, malgré le zèle, plus que le zèle, la ténacité qu'ils apportèrent à leur exploration, l'étrange retraite ne put être découverte. Du 19 au 25 février, le cercle des investigations fut étendu à toute la région septentrionale de l'île Lincoln, dont les plus secrets réduits furent fouillés. Les colons en arrivèrent à sonder chaque paroi rocheuse, comme font les agents au mur d'une maison suspecte. L'ingénieur prit même un relevé très exact de la montagne, et il porta ses fouilles jusqu'aux dernières assises qui la soutenaient. Elle fut explorée ainsi même à la hauteur du cône tronqué qui terminait le premier étage des roches, puis jusqu'à l'arête supérieure de cet énorme chapeau au fond duquel s'ouvrait le cratère. On fit plus. On visita le gouffre, encore éteint, mais dans les profondeurs duquel des grondements se faisaient distinctement entendre. Cependant, pas une fumée, pas une vapeur, pas un échauffement de la paroi n'indiquait une éruption prochaine. Mais ni là, ni en aucune autre partie du mont Franklin, les colons ne trouvèrent les traces de celui qu'ils cherchaient. Les investigations furent alors dirigées sur toute la région des dunes. On visita avec soin les hautes murailles laviques du golfe du Requin, de la base à la crête, bien qu'il fût extrêmement difficile d'atteindre le niveau même du golfe. Personne, rien. Finalement, ces deux mots résumèrent tant de fatigues inutilement dépensées, tant d'obstination qui ne produisit aucun résultat, et il y avait comme une sorte de colère dans la déconvenue de Cyrus Smith et de ses compagnons. Il fallut donc songer à revenir, car ses recherches ne pouvaient se poursuivre indéfiniment. Les colons étaient véritablement en droit de croire que l'être mystérieux ne résidait pas à la surface de l'île, et alors les plus folles hypothèses hantèrent leurs imaginations surexcitées. Pencroff et Nab, particulièrement, ne se contentaient plus de l'étrange et se laissaient emporter dans le monde du surnaturel. Le 25 février, les colons rentraient à Granite House et au moyen de la double corde, qu'une flèche reporta au palier de la porte, ils rétablirent la communication entre leur domaine et le sol. Un mois plus tard, ils saluaient, au 25e jour de mars, le 3e anniversaire de leur arrivée sur l'île Lincoln. Chapitre 14. 3 ans s'étaient écoulés depuis que les prisonniers de Richmond s'étaient enfuis, et que de fois pendant ces 3 années, ils parlèrent de la patrie toujours présente à leurs pensées. Ils ne mettaient pas en doute que la guerre civile ne fût alors terminée, et il leur semblait impossible que la juste cause du Nord n'eût pas vaincu. Mais quels avaient été les incidents de cette terrible guerre? Quel sang avait-elle coûté? Quels amis, à eux, avaient succombé dans la lutte? Voilà ce dont ils causaient souvent, sans entrevoir encore le jour où il leur serait donné de revoir leur pays. Y retourner, ne fût-ce que quelques jours, renouer le lien social avec le monde habité, établir une communication entre leur patrie et leur île, puis passer le plus long, le meilleur peut-être de leur existence, dans cette colonie qu'ils avaient fondée, et qui relèverait alors de la métropole, était-ce donc un rêve irréalisable? Mais ce rêve, il n'y avait que 2 manières de le réaliser. Ou un navire se montrerait quelque jour dans les eaux de l'île Lincoln, ou les colons construiraient eux-mêmes un bâtiment assez fort pour tenir la mer jusqu'aux terres les plus rapprochées. À moins, disait Pencroff, que notre génie ne fournisse lui-même les moyens de nous rapatrier. Et vraiment, on fut venu dire à Pencroff et à Nab qu'un navire de 300 tonneaux les attendait dans le golfe du Requin, ou à Port-Ballon, qu'ils n'auraient pas même fait un geste de surprise. Dans cet ordre d'idées, ils s'attendaient à tout. Mais Cyrus Smith, moins confiant, leur conseilla de rentrer dans la réalité, et ce fut à propos de la construction d'un bâtiment, besogne véritablement urgente, puisqu'il s'agissait de déposer le plus tôt possible à l'île Tabor un document qui indiquait la nouvelle résidence d'Ayrton. Le Bonaventure n'existant plus, 6 mois au moins seraient nécessaires pour la construction d'un nouveau navire. Or, l'hiver arrivait, et le voyage ne pourrait se faire avant le printemps prochain. Nous avons donc le temps de nous mettre en mesure pour la belle saison, dit l'ingénieur, qui causait de ces choses avec Pencroff. Je pense donc, mon ami, que, puisque nous avons à refaire notre embarcation, il sera préférable de lui donner des dimensions plus considérables. L'arrivée d'un yacht écossais à l'île Tabor est fort problématique. Il peut se faire même que, venu depuis plusieurs mois, il en soit reparti, après avoir vainement cherché quelques traces d'Ayrton. Ne serait-il donc pas à propos de construire un navire qui, le cas échéant, pût nous transporter soit aux archipels polynésiens, soit à la Nouvelle-Zélande? Qu'en pensez-vous? Je pense, monsieur Cyrus, répondit le marin, je pense que vous êtes tout aussi capable de fabriquer un grand navire qu'un petit. Ni le bois, ni les outils ne nous manquent. Ce n'est qu'une question de temps. Et combien de mois demanderait la construction d'un navire de 250 à 300 tonneaux? Demanda Cyrus Smith. 7 ou 8 mois au moins, répondit Pencroff. Mais il ne faut pas oublier que l'hiver arrive, et que, par les grands froids, le bois est difficile à travailler. comptons donc sur quelques semaines de chômage, et si notre bâtiment est prêt pour le mois de novembre prochain, nous devrons nous estimer très heureux. « Eh bien, répondit Cyrus Smith, ce serait précisément l'époque favorable pour entreprendre une traversée de quelque importance, soit à l'île Tabor, soit à une terre plus éloignée. » « En effet, monsieur Cyrus, répondit le marin, faites donc vos plans, les ouvriers sont prêts, et j'imagine qu'Ayrton pourra nous donner un bon coup de main dans la circonstance. » Les colons consultés approuvèrent le projet de l'ingénieur, et c'était en vérité ce qu'il y avait de mieux à faire. Il est vrai que la construction d'un navire de 200 à 300 tonneaux, c'était une grosse besogne. Mais les colons avaient en eux-mêmes une confiance que justifiait bien des succès déjà obtenus. Cyrus Smith s'occupa donc de faire le plan du navire et d'en déterminer le gabarit. Pendant ce temps, ses compagnons s'employèrent à l'abattage et au charroi des arbres qui devaient fournir les courbes, la membrure et le bordé. Ce fut la forêt du Far West qui donna les meilleures essences en chênes et en ormes. On profita de la trouée déjà faite lors de la dernière excursion pour ouvrir une route praticable qui prit le nom de route du Far West, et les arbres furent transportés aux cheminées où fut établi le chantier de construction. Quant à la route en question, elle était capricieusement tracée, et ce fut un peu le choix des bois qui en détermina le tracé, mais elle facilita l'accès d'une notable portion de la presqu'île Serpentine. Il était important que ces bois fussent promptement coupés et débités, car on ne pouvait les employer verts encore, et il fallait laisser au temps le soin de les durcir. Les charpentiers travaillèrent donc avec ardeur pendant le mois d'avril, qui ne fut troublé que par quelques coups de vent d'équinoxe assez violents. Maître Jup les aidait adroitement, soit qu'il grimpa au sommet d'un arbre pour y fixer les cordes d'abattage, soit qu'il prêta ses robustes épaules pour transporter les troncs ébranchés. Tous ces bois furent empilés sous un vaste appentis en planches qui fut construit auprès des cheminées, et là ils attendirent le moment d'être mis en œuvre. Le mois d'avril fut assez beau, comme l'est souvent le mois d'octobre de la zone boréale. En même temps, les travaux de la terre furent activement poussés, et bientôt toute trace de dévastation eut disparu du plateau de Grande-Vue. Le moulin fut rebâti, et de nouveaux bâtiments s'élevèrent sur l'emplacement de la basse-cour. Il avait paru nécessaire de les reconstruire sur de plus grandes dimensions, car la population volatile s'accroissait dans une proportion considérable. Les étables contenaient maintenant 5 onagas, dont 4 vigoureux, bien dressés, se laissant atteler ou monter, et un petit qui venait de naître. Le matériel de la colonie s'était augmenté d'une charrue, et les onagas étaient employés au labourage comme de véritables bœufs du Yorkshire ou du Kentucky. Chacun des colons se distribuait l'ouvrage, et les bras ne chômaient pas. Aussi, quelle belle santé que celle de ces travailleurs, et de quelle belle humeur ils animaient les soirées de Granite House, en formant mille projets pour l'avenir. Il va sans dire qu'Ayrton partageait absolument l'existence commune, et qu'il n'était plus question pour lui d'aller vivre au corral. Toutefois, il restait toujours triste, peu communicatif, et se joignait plutôt aux travaux qu'aux plaisirs de ses compagnons. Mais c'était un rude ouvrier à la besogne, vigoureux, adroit, ingénieux, intelligent. Il était estimé et aimé de tous, il ne pouvait l'ignorer. Cependant, le corral ne fut pas abandonné. Tous les 2 jours, un des colons conduisant le chariot ou montant un des onagas allait soigner le troupeau des mouflons et de chèvres et rapportait le lait qui approvisionnait l'office de Nab. Ces excursions étaient en même temps des occasions de chasse. Aussi Harbert et Gédéon Spilett, top en avant, couraient-ils plus souvent qu'aucun autre de leurs compagnons sur la route du corral, et avec les armes excellentes dont ils disposaient, cabiais, agoutis, kangourous, sangliers, porcs sauvages pour le gros gibier, canards, tétras, coqs de bruyère, jacamars, bécassines pour le petit, ne manquaient jamais à la maison. Les produits de la garenne, ceux de l'huîtrière, quelques tortues qui furent prises, une nouvelle pêche de ces excellents saumons qui vinrent encore s'engouffrer dans les eaux de la Mercy, les légumes du plateau de Grande-Vue, les fruits naturels de la forêt, c'était richesse sur richesse, et Nab, le maître coq, suffisait à peine à les emmagasiner. Il va sans dire que le fil télégraphique, jeté entre le corral et Granite House, avait été rétabli, et qu'il fonctionnait lorsque l'un ou l'autre des colons se trouvait au corral et jugeait nécessaire d'y passer la nuit. D'ailleurs, l'île était sûre maintenant, et aucune agression n'était à redouter, du moins de la part des hommes. Cependant, le fait qui s'était passé pouvait encore se reproduire. Une descente de pirates, et même de convicts évadés, était toujours à craindre. Il était possible que des compagnons, des complices de Bob Harvey, encore détenus à Norfolk, eussent été dans le secret de ses projets et fussent tentés de l'imiter. Les colons ne laissaient donc pas d'observer les atterrages de l'île, et chaque jour leur longue vue était promenée sur le large horizon qui fermait la baie de l'Union et la baie Washington. Quand ils allaient au corral, ils examinaient avec non moins d'attention la partie ouest de la mer, et en s'élevant sur le contrefort, leur regard pouvait parcourir un large secteur de l'horizon occidental. Rien de suspect n'apparaissait, mais encore fallait-il se tenir toujours sur ses gardes. Aussi l'ingénieur, un soir, fit-il part à ses amis du projet qu'il avait conçu de fortifier le corral. Il lui semblait prudent d'en rehausser l'enceinte palissadée et de la flanquer d'une sorte de blocos dans lequel, le cas échéant, les colons pourraient tenir contre une troupe ennemie. Granite House, devant être considéré comme inexpugnable par sa position même, le corral avec ses bâtiments, ses réserves, les animaux qu'il renfermait, serait toujours l'objectif des pirates, quels qu'ils fussent, qui débarqueraient sur l'île, et, si les colons étaient forcés de s'y renfermer, il fallait qu'ils pussent résister sans désavantage. C'était là un projet à mûrir et dont l'exécution, d'ailleurs, fut forcément remise au printemps prochain. Vers le 15 mai, la quille du nouveau bâtiment s'allongeait sur le chantier, et bientôt l'étrave et l'étambot, emmortaisés à chacune de ses extrémités, s'y dressèrent presque perpendiculairement. Cette quille, en bon chêne, mesurait 110 pieds de longueur, ce qui permettrait de donner au maître beau une largeur de 25 pieds. Mais ce fut là tout ce que les charpentiers purent faire avant l'arrivée des froids et du mauvais temps. Cependant, la semaine suivante, on mit encore en place les premiers couples de l'arrière. Puis il fallut suspendre les travaux. Pendant les derniers jours du mois, le temps fut extrêmement mauvais. Le vent soufflait de l'est, et parfois avec la violence d'un ouragan. L'ingénieur eut quelques inquiétudes pour les hangars du chantier de construction, que d'ailleurs il n'aurait pu établir en aucun autre endroit à proximité de Granite House, car l'îlot ne couvrait qu'imparfaitement le littoral contre les fureurs du large, et dans les grandes tempêtes, les lames venaient battre directement le pied de la muraille granitique. Mais fort heureusement, ces craintes ne se réalisèrent pas. Le vent hala plutôt la partie sud-est, et dans ces conditions, le rivage de Granite House se trouvait complètement couvert par le redan de la pointe de l'épave. Pencroff et Ayrton, les deux plus zélés constructeurs du nouveau bâtiment, poursuivirent leurs travaux aussi longtemps qu'ils le purent. Ils n'étaient point hommes à s'embarrasser du vent qui leur tordait la chevelure, ni de la pluie qui les traversait jusqu'aux os, et un coup de marteau est aussi bon par un mauvais que par un beau temps. Mais quand un froid très vif eut succédé à cette période humide, le bois, dont les fibres acquéraient la dureté du fer, devint extrêmement difficile à travailler, et vers le 10 juin, il fallut définitivement abandonner la construction du bateau. Cyrus Smith et ses compagnons n'avaient point été sans observer combien la température était rude pendant les hivers de l'île Lincoln. Le froid était comparable à celui que ressentent les États de la Nouvelle-Angleterre, situés à peu près à la même distance qu'elle de l'équateur. Si, dans l'hémisphère boréal, ou tout au moins dans la partie occupée par la Nouvelle-Bretagne et le nord des États-Unis, ce phénomène s'explique par la conformation plate des territoires qui confinent au pôle, et sur lesquels aucune intumescence du sol n'oppose d'obstacle aux bises hyperboréennes, ici, en ce qui concernait l'île Lincoln, cette explication ne pouvait valoir. On a même observé, disait un jour Cyrus Smith à ses compagnons, que, à latitudes égales, les îles et les régions du littoral sont moins éprouvées par le froid que les contrées méditerranéennes. J'ai souvent entendu affirmer que les hivers de la Lombardie, par exemple, sont plus rigoureux que ceux de l'Écosse, et cela tiendrait à ce que la mer restitue pendant l'hiver les chaleurs qu'elle a reçues pendant l'été. Les îles sont donc dans les meilleures conditions pour bénéficier de cette restitution. Mais alors, monsieur Cyrus, demanda Harbert, pourquoi l'île Lincoln semble-t-elle échapper à la loi commune? Cela est difficile à expliquer, répondit l'ingénieur. Toutefois, je serais disposé à admettre que cette singularité tint à la situation de l'île dans l'hémisphère austral, qui, comme tu le sais, mon enfant, est plus froid que l'hémisphère boréal. En effet, dit Harbert, et les glaces flottantes se rencontrent sous des latitudes plus basses dans le sud que dans le nord du Pacifique. Cela est vrai, répondit Pencroff, et quand je faisais le métier de baleinier, j'ai vu des icebergs jusque par le travers du Cap Horn. On pourrait peut-être expliquer alors, dit Gédéon Spilett, les froids rigoureux qui frappent l'île Lincoln par la présence de glace ou de banquise à une distance relativement très rapprochée. Votre opinion est très admissible, en effet, mon cher Spilett, répondit Cyrus Smith, et c'est évidemment à la proximité de la banquise que nous devons nos rigoureux hivers. Je vous ferai remarquer aussi qu'une cause toute physique rend l'hémisphère austral plus froid que l'hémisphère boréal. En effet, puisque le soleil est plus rapproché de cet hémisphère pendant l'été, il en est nécessairement plus éloigné pendant l'hiver. Cela explique donc qu'il y ait excès de température dans les deux sens, et si nous trouvons les hivers très froids à l'île Lincoln, n'oublions pas que les étés y sont très chauds au contraire. Mais pourquoi donc, s'il vous plaît, monsieur Smith, demanda Pencroff, en fronçant le sourcil. Pourquoi donc notre hémisphère, comme vous dites, est-il si mal partagé? Ce n'est pas juste, cela. Ami Pencroff, répondit l'ingénieur en riant, juste ou non, il faut bien subir la situation, et voici d'où vient cette particularité. La Terre ne décrit pas un cercle autour du Soleil, mais bien une ellipse, ainsi que le veulent les lois de la mécanique rationnelle. La Terre occupe un des foyers de l'ellipse, et par conséquent, à une certaine époque de son parcours, elle est à son apogée, c'est-à-dire à son plus grand éloignement du Soleil, et à une autre époque, à son périgée, c'est-à-dire à sa plus courte distance. Or, il se trouve que c'est précisément pendant l'hiver des contrées australes qu'elle est à son point le plus éloigné du Soleil, et par conséquent dans les conditions voulues pour que ces régions éprouvent le plus grand froid. À cela, rien à faire. Et les hommes, Pencroff, si savants qu'ils puissent être, ne pourront jamais changer quoi que ce soit à l'ordre cosmographique établi par Dieu même. Et pourtant, ajouta Pencroff qui montra une certaine difficulté à se résigner, le monde est bien savant. Quel gros livre, monsieur Cyrus, on ferait avec tout ce qu'on sait. Et quel plus gros livre encore avec tout ce qu'on ne sait pas, répondit Cyrus Smith. Enfin, pour une raison ou pour une autre, le mois de juin ramena les froids avec leur violence accoutumée, et les colons furent le plus souvent consignés dans Granite House. Ah, cette séquestration leur semblait dure à tous, et peut-être plus particulièrement à Gédéon Spilett. « Vois-tu, dit-il un jour à Nab, je te donnerai bien par acte notarié tous les héritages qui doivent me revenir un jour, si tu étais assez bon garçon pour aller n'importe où, m'abonner à un journal quelconque. Décidément, ce qui manque le plus à mon bonheur, c'est de savoir tous les matins ce qui s'est passé la veille, ailleurs qu'ici. » Nab s'était mis à rire. « Ma foi, avait-il répondu, ce qui m'occupe, moi, c'est la besogne quotidienne. » La vérité est que, au dedans comme au dehors, le travail ne manqua pas. La colonie de l'île Lincoln se trouvait alors à son plus haut point de prospérité, et 3 ans de travaux soutenus l'avaient faite telle. L'incident du brick détruit avait été une nouvelle source de richesse, sans parler du gréement complet qui servirait au navire en chantier, ustensiles et outils de toutes sortes, armes et munitions, vêtements et instruments encombraient maintenant les magasins de Granite House. Il n'avait même plus été nécessaire de recourir à la confection de grosses étoffes de feutre. Si les colons avaient souffert du froid pendant leur premier hivernage, à présent, la mauvaise saison pouvait venir sans qu'ils eussent à en redouter les rigueurs. Le linge était abondant aussi, et on l'entretenait d'ailleurs avec un soin extrême. De ce chlorure de sodium, qui n'est autre chose que le sel marin, Cyrus Smith avait facilement extrait la soude et le chlore. La soude, qu'il fut facile de transformer en carbonate de soude, et le chlore, dont il fit des chlorures de chaux et autres, furent employés à divers usages domestiques, et précisément au blanchiment du linge. D'ailleurs, on ne faisait plus que 4 lessives par année, ainsi que cela se pratiquait jadis dans les familles du vieux temps, et qu'il soit permis d'ajouter que Pencroff et Gédéon Spilett, en attendant que le facteur lui apportât son journal, se montrèrent des blanchisseurs distingués. Ainsi se passèrent les mois d'hiver, juin, juillet et août. Ils furent très rigoureux, et la moyenne des observations thermométriques ne donna pas plus de 8 degrés Fahrenheit, 13-33 degrés centigrades au-dessous de zéro. Elle fut donc inférieure à la température du précédent hivernage. Aussi, quel bon feu flambait incessamment dans les cheminées de Granite House, dont les fumées tachaient de longues zébrures noires la muraille de granit. On n'épargnait pas le combustible, qui poussait tout naturellement à quelques pas de là. En outre, le superflu des bois destinés à la construction du navire permit d'économiser la houille qui exigeait un transport plus pénible. Hommes et animaux se portaient tous bien. Maître Jup se montrait un peu frileux, il faut en convenir. C'était peut-être son seul défaut, et il fallut lui faire une bonne robe de chambre bien ouatée. Mais quel domestique, adroit, zélé, infatigable, pas indiscret, pas bavard, et on eût pu, avec raison, le proposer pour modèle à tous ses confrères bipèdes de l'Ancien et du Nouveau Monde. Après ça, disait Pencroff, quand on a 4 mains à son service, c'est bien le moins que l'on fasse convenablement sa besogne. Et de fait, l'intelligent quadrumane la faisait bien. Pendant les 7 mois qui s'écoulèrent depuis les dernières recherches opérées autour de la montagne et pendant le mois de septembre, qui ramena les beaux jours, il ne fut aucunement question du génie de l'île. Son action ne se manifesta en aucune circonstance. Il est vrai qu'elle eût été inutile, car nul incident ne se produisit qui pût mettre les colons à quelque pénible épreuve. Cyrus Smith observa même que si, par hasard, les communications entre l'inconnu et les hôtes de Granite House s'étaient jamais établies à travers le massif de granit, et si l'instinct de Top les avait, pour ainsi dire, pressentis, il n'en fut plus rien pendant cette période. Les grondements du chien avaient complètement cessé, aussi bien que les inquiétudes de l'orang. Les deux amis, car ils l'étaient, ne rôdaient plus à l'orifice du puits intérieur. Ils n'aboyaient pas et ne gémissaient plus de cette singulière façon qui avait donné dès le début l'éveil à l'ingénieur. Mais celui-ci pouvait-il assurer que tout était dit sur cette énigme et qu'il n'en aurait jamais le mot? Pouvait-il affirmer que quelque conjoncture ne se reproduirait pas, qui ramènerait en scène le mystérieux personnage? Qui sait ce que réservait l'avenir? Enfin, l'hiver s'acheva, mais un fait dont les conséquences pouvaient être graves en somme se produisit précisément dans les premiers jours qui marquèrent le retour du printemps. Le 7 septembre, Cyrus Smith, ayant observé le sommet du mont Franklin, vit une fumée qui se contournait autour du cratère, dont les premières vapeurs se projetaient dans l'air. Chapitre 15. Les colons, avertis par l'ingénieur, avaient suspendu leurs travaux et considéraient en silence la cime du mont Franklin. Le volcan s'était donc réveillé, et les vapeurs avaient percé la couche minérale entassée au fond du cratère. Mais les feux souterrains provoqueraient-ils quelque éruption violente? C'était là une éventualité qu'on ne pouvait prévenir. Cependant, même en admettant l'hypothèse d'une éruption, il était probable que l'île Lincoln n'en souffrirait pas dans son ensemble. Les épanchements de matière volcanique ne sont pas toujours désastreux. Déjà l'île avait été soumise à cette épreuve, ainsi qu'en témoignaient les coulées de lave qui zébraient les pentes septentrionales de la montagne. En outre, la forme du cratère, l'égueulement creusé à son bord supérieur, devait projeter les matières vomies à l'opposé des portions fertiles de l'île. Toutefois, le passé n'engageait pas nécessairement l'avenir. Souvent, à la cime des volcans, d'anciens cratères se ferment et de nouveaux s'ouvrent. Le fait s'est produit dans les deux mondes, à l'Etna, au Popocatépetl, à l'Orizaba, et, la veille d'une éruption, on peut tout craindre. Il suffisait, en somme, d'un tremblement de terre, phénomène qui accompagne quelquefois les épanchements volcaniques, pour que la disposition intérieure de la montagne fût modifiée et que de nouvelles voies se frayassent aux laves incandescentes. Cyrus Smith expliqua ces choses à ses compagnons, et, sans exagérer la situation, il leur en fit connaître le pour et le contre. Après tout, on n'y pouvait rien. Granite House, à moins d'un tremblement de terre qui ébranlerait le sol, ne semblait pas devoir être menacé. Mais le corral aurait tout à craindre si quelque nouveau cratère s'ouvrait dans les parois sud du mont Franklin. Depuis ce jour, les vapeurs ne cessèrent d'empanacher la cime de la montagne, et l'on put même reconnaître qu'elles gagnaient en hauteur et en épaisseur sans qu'aucune flamme se mêlât à leurs épaisses volutes. Le phénomène se concentrait encore dans la partie inférieure de la cheminée centrale. Cependant, avec les beaux jours, les travaux avaient été repris. On pressait le plus possible la construction du navire, et au moyen de la chute de la grève, Cyrus Smith parvint à établir une scierie hydraulique qui débita plus rapidement les troncs d'arbres en planches et en madriers. Le mécanisme de cet appareil fut aussi simple que ceux qui fonctionnaient dans les rustiques scieries de la Norvège. un premier mouvement horizontal à imprimer à la pièce de bois, un second mouvement vertical à donner à la scie. C'était là tout ce qu'il s'agissait d'obtenir, et l'ingénieur y réussit au moyen d'une roue, de deux cylindres et de poulies convenablement disposées. Vers la fin du mois de septembre, la carcasse du navire qui devait être gréée en goélette se dressait sur le chantier de construction. La membrure était presque entièrement terminée, et tous ces couples ayant été maintenus par un cintre provisoire, on pouvait déjà apprécier les formes de l'embarcation. Cette goélette, fine de l'avant, très dégagée dans ses façons d'arrière, serait évidemment propre à une assez longue traversée le cas échéant. Mais la pose du bordage, du vaigrage intérieur et du pont devait exiger encore un laps considérable de temps. Fort heureusement, les ferrures de l'ancien brick avaient pu être sauvées après l'explosion sous-marine. Des bordages et des courbes mutilées, Pencroff et Ayrton avaient arraché les chevilles et une grande quantité de clous de cuivre. C'était autant d'économiser pour les forgerons, mais les charpentiers eurent beaucoup à faire. Les travaux de construction durent être interrompus pendant une semaine pour ceux de la moisson, de la fenaison et la rentrée des diverses récoltes qui abondaient au plateau de Grande-Vue. Cette besogne terminée, tous les instants furent désormais consacrés à l'achèvement de la goélette. Lorsque la nuit arrivait, les travailleurs étaient véritablement exténués. Afin de ne point perdre de temps, ils avaient modifié les heures de repas. Ils dînaient à midi et ne soupaient que lorsque la lumière du jour venait à leur manquer. Ils remontaient alors à Granite House et ils se hâtaient de se coucher. Quelquefois, cependant, la conversation, lorsqu'elle portait sur quelque sujet intéressant, retardait quelque peu l'heure du sommeil. Les colons se laissaient aller à parler de l'avenir, et ils causaient volontiers des changements qu'apporterait à leur situation un voyage de la goélette aux terres les plus rapprochées. Mais au milieu de ces projets dominait toujours la pensée d'un retour ultérieur à l'île Lincoln. Jamais ils n'abandonneraient cette colonie, fondée avec tant de peine et de succès, et à laquelle les communications avec l'Amérique donneraient un développement nouveau. Pencroff, et Nab surtout, espéraient bien y finir leur jour. « Harbert, disait le marin, vous n'abandonnerez jamais l'île Lincoln. »« Jamais, Pencroff, et surtout si tu prends le parti d'y rester. »« Il est au prix, mon garçon, répondait Pencroff. Je vous attendrai. Vous me ramènerez votre femme et vos enfants. » Et je ferai de votre petit de fameux lurons. » C'est entendu, répliquait Harbert, riant et rougissant à la fois. Et vous, monsieur Cyrus, reprenait Pencroff enthousiasmé, vous serez toujours le gouverneur de l'île. Ah, ça, combien pourra-t-elle nourrir d'habitants? 10 000, au moins. On causait de la sorte, on laissait aller Pencroff, et de propos en propos, le reporter finissait par fonder un journal, le New Lincoln Herald. Ainsi est-il du cœur de l'homme. Le besoin de faire œuvre qui dure, qui lui survive, est le signe de sa supériorité sur tout ce qui vit ici-bas. C'est ce qui a fondé sa domination, et c'est ce qui la justifie dans le monde entier. Après cela, qui sait si Jup et Top n'avaient pas, eux aussi, leurs petits rêves d'avenir? Ayrton, silencieux, se disait qu'il voudrait revoir Lord Glenarvan, et se montrer à tous réhabilité. Un soir, le 15 octobre, la conversation lancée à travers ces hypothèses s'était prolongée plus que de coutume. Il était 9 heures du soir. Déjà, de longs bâillements mal dissimulés sonnaient l'heure du repos, et Pencroff venait de se diriger vers son lit quand le timbre électrique, placé dans la salle, résonna soudain. Tous étaient là, Cyrus Smith, Gédéon Spilett, Harbert, Ayrton, Pencroff, Nab. Il n'y avait donc aucun des colons au corral. Cyrus Smith s'était levé. Ses compagnons se regardaient, croyant avoir mal entendu. « Qu'est-ce que cela veut dire ? » s'écria Nab. « Est-ce le diable qui sonne ?» Personne ne répondit. Le temps est orageux, fit observer Harbert. L'influence de l'électricité ne peut-elle pas... Harbert n'acheva pas sa phrase. L'ingénieur, vers lequel tous les regards étaient tournés, secouait la tête négativement. « Attendons, dit alors Gédéon Spilett, si c'est un signal, quel que soit celui qui le fasse, il le renouvellera. »« Mais qui voulez-vous que ce soit ?» s'écria Nab. « Mais, répondit Pencroff, celui qui... » La phrase du marin fut coupée par un nouveau frémissement du trembleur sur le timbre. Cyrus Smith se dirigea vers l'appareil, et, lançant le courant à travers le fil, il envoya cette demande au choral. « Que voulez-vous ?» Quelques instants plus tard, l'aiguille se mouvant sur le cadran alphabétique donnait cette réponse aux hôtes de Granite House. « Venez au choral en toute hâte. »« Enfin !» s'écria Cyrus Smith. « Oui, enfin, le mystère allait se dévoiler. » Devant cet immense intérêt qui allait les pousser au choral, toute fatigue des colons avait disparu, tout besoin de repos avait cessé. Sans avoir prononcé une parole, en quelques instants, ils avaient quitté Granite House et se trouvaient sur la grève. Seuls, Jup et Top étaient restés, on pouvait se passer d'eux. La nuit était noire, la lune, nouvelle ce jour-là même, avait disparu en même temps que le soleil. Ainsi que l'avait fait observer Harbert, de gros nuages orageux formaient une voûte basse et lourde qui empêchait tout rayonnement d'étoiles. Quelques éclairs de chaleur, reflets d'un orage lointain, illuminaient l'horizon. Il était possible que, quelques heures plus tard, la foudre tonna sur l'île même. C'était une nuit menaçante. Mais l'obscurité, si profonde qu'elle fût, ne pouvait arrêter des gens habitués à cette route du corral. Ils remontèrent la rive gauche de la Mercy, atteignirent le plateau, passèrent le pont du Creek Glycérine et s'avancèrent à travers la forêt. Ils marchaient d'un bon pas, en proie à une émotion très vive. Pour eux, cela ne faisait pas de doute. Ils allaient apprendre enfin le mot tant cherché de l'énigme, le nom de cet être mystérieux, si profondément entré dans leur vie, si généreux dans son influence, si puissant dans son action. Ne fallait-il pas, en effet, que cet inconnu eût été mêlé à leur existence, qu'il en connût les moindres détails, qu'il entendit tout ce qui se disait à Granite House, pour avoir pu toujours agir à point nommé? Chacun, abîmé dans ses réflexions, pressait le pas. Sous cette voûte d'arbres, l'obscurité était telle que la lisière de la route ne se voyait même pas. Aucun bruit, d'ailleurs, dans la forêt. Quadrupèdes et oiseaux, influencés par la lourdeur de l'atmosphère, étaient immobiles et silencieux. Nul souffle n'agitait les feuilles. Seul le pas des colons résonnait dans l'ombre sur le sol durci. Le silence, pendant le premier quart d'heure de marche, ne fut interrompu que par cette observation de Pencroff. « Nous aurions dû prendre un fanal. » Et par cette réponse de l'ingénieur, « Nous en trouverons un au corral. » Cyrus Smith et ses compagnons avaient quitté Granite House à 9h12. À 9h47, ils avaient franchi une distance de 3 milles sur les 5 qui séparaient l'embouchure de la Mercy du corral. En ce moment, de grands éclairs blanchâtres s'épanouissaient au-dessus de l'île et dessinaient en noir les découpures du feuillage. Ces éclats intenses éblouissaient et aveuglaient. L'orage, évidemment, ne pouvait tarder à se déchaîner. Les éclairs devinrent peu à peu plus rapides et plus lumineux. Des grondements lointains roulaient dans les profondeurs du ciel. L'atmosphère était étouffante. Les colons allaient comme s'ils eussent été poussés en avant par quelque irrésistible force. À 9h15, un vif éclair leur montrait l'enceinte palissadée, et ils n'avaient pas franchi la porte que le tonnerre éclatait avec une formidable violence. En un instant, le corral était traversé, et Cyrus Smith se trouvait devant l'habitation. Il était possible que la maison fût occupée par l'inconnu, puisque c'était de la maison même que le télégramme avait dû partir. Toutefois, aucune lumière n'en éclairait la fenêtre. L'ingénieur frappa à la porte. Pas de réponse. Cyrus Smith ouvrit la porte, et les colons entrèrent dans la chambre qui était profondément obscure. Un coup de briquet fut donné par Nab, et un instant après, le fanal était allumé et promené à tous les coins de la chambre. Il n'y avait personne. Les choses étaient dans l'état où on les avait laissées. « Avons-nous été dupes d'une illusion ?» murmura Cyrus Smith. « Non, ce n'était pas possible. Le télégramme avait bien dit « Venez au corral en toute hâte ». On s'approcha de la table qui était spécialement affectée au service du fil. Tout y était en place, la pile et la boîte qui la contenaient, ainsi que l'appareil récepteur et transmetteur. « Qui est venu pour la dernière fois ici ?» demanda l'ingénieur. « Moi, Monsieur Smith, » répondit Ayrton. « Et c'était ?»« Il y a 4 jours. » « Ah, une notice !» s'écria Harbert qui montra un papier déposé sur la table. Sur ce papier étaient écrits ces mots en anglais. « Suivez le nouveau fil. »« En route !» s'écria Cyrus Smith, qui comprit que la dépêche n'était pas partie du corral, mais bien de la retraite mystérieuse qu'un fil supplémentaire, raccordé à l'ancien, réunissait directement à Granite House. Nab prit le fanal allumé, et tous quittèrent le corral. L'orage se déchaînait alors avec une extrême violence. L'intervalle qui séparait chaque éclair de chaque coup de tonnerre diminuait sensiblement. Le météore allait bientôt dominer le mont Franklin et l'île entière. À l'éclat des lueurs intermittentes, on pouvait voir le sommet du volcan empanaché de vapeurs. Il n'y avait dans toute la portion du corral qui séparait la maison de l'enceinte palissadée aucune communication télégraphique. Mais, après avoir franchi la porte, l'ingénieur, courant droit au premier poteau, vit à la lueur d'un éclair qu'un nouveau fil retombait de l'isoloir jusqu'à terre. « Le voilà, » dit-il. Ce fil traînait sur le sol, mais sur toute sa longueur il était entouré d'une substance isolante, comme l'est un câble sous-marin, ce qui assurait la libre transmission des courants. Par sa direction, il semblait s'engager à travers les bois et les contreforts méridionaux de la montagne, et conséquemment, il courait vers l'ouest. « Suivons-le, » dit Cyrus Smith. Et tantôt à la lumière du fanal, tantôt au milieu des fulgurations de la foudre, les colons se lancèrent sur la voie tracée par le fil. Les roulements du tonnerre étaient continus alors, et leur violence telle qu'aucune parole n'eût pu être entendue. D'ailleurs, il ne s'agissait pas de parler, mais d'aller en avant. Cyrus Smith et les siens gravirent d'abord le contrefort dressé entre la vallée du corral et celle de la rivière de la chute, qu'ils traversèrent dans sa partie la plus étroite. Le fil, tantôt tendu sur les basses branches des arbres, tantôt se déroulant à terre, les guidait sûrement. L'ingénieur avait supposé que ce fil s'arrêterait peut-être au fond de la vallée et que là serait la retraite de l'inconnu. Il n'en fut rien. Il fallut remonter le contrefort du sud-ouest et redescendre sur ce plateau aride que terminait cette muraille de basalte si étrangement amoncelée. De temps en temps, l'un ou l'autre des colons se baissait, tâtait le fil de la main et rectifiait la direction au besoin. Mais il n'était pas douteux que ce fil courût directement à la mer. Là, sans doute, dans quelque profondeur des roches ignées, se creusait la demeure si vainement cherchée jusqu'alors. Le ciel était en feu. Un éclair n'attendait pas l'autre. Plusieurs frappaient la cime du volcan et se précipitaient dans le cratère au milieu de l'épaisse fumée. On eût pu croire par instant que le mont projetait des flammes. À 10h moins quelques minutes, les colons étaient arrivés sur la haute lisière qui dominait l'océan à l'ouest. Le vent s'était levé. Le ressac mugissait à 500 pieds plus bas. Cyrus Smith calcula que ses compagnons et lui avaient franchi la distance d'1,5 miles depuis le corral. À ce point, le fil s'engageait au milieu des roches, en suivant la pente assez raide d'un ravin étroit et capricieusement tracé. Les colons s'y engagèrent, au risque de provoquer quelque éboulement de roc mal équilibré et d'être précipités dans la mer. La descente était extrêmement périlleuse, mais ils ne comptaient pas avec le danger. Ils n'étaient plus maîtres d'eux-mêmes, et une irrésistible attraction les attirait vers ce point mystérieux, comme l'aimant attire le fer. Aussi descendirent-ils presque inconsciemment ce ravin, qui, même en pleine lumière, eût été pour ainsi dire impraticable. Les pierres roulaient et resplendissaient comme des bolides enflammés quand elles traversaient les zones de lumière. Cyrus Smith était en tête. Ayrton fermait la marche. Ici, ils allaient pas à pas. Là, ils glissaient sur la roche polie. Puis ils se relevaient et continuaient leur route. Enfin, le fil faisant un angle brusque, toucha les roches du littoral, véritable semis d'écueils que les grandes marées devaient battre. Les colons avaient atteint la limite inférieure de la muraille basaltique. Là se développait un étroit épaulement qui courait horizontalement et parallèlement à la mer. Le fil le suivait, et les colons s'y engagèrent. Ils n'avaient pas fait 100 pas que l'épaulement s'inclinant par une pente modérée arrivait ainsi au niveau même des lames. L'ingénieur saisit le fil, et il vit qu'il s'enfonçait dans la mer. Ses compagnons, arrêtés près de lui, étaient stupéfaits. Un cri de désappointement, presque un cri de désespoir, leur échappa. Faudrait-il donc se précipiter sous ces eaux et y chercher quelque caverne sous-marine? Dans l'état de surexcitation morale et physique où ils se trouvaient, ils n'eussent pas hésité à le faire. Une réflexion de l'ingénieur les arrêta. Cyrus Smith conduisit ses compagnons sous une anfractuosité des roches, et là, « Attendons, dit-il, la mer est haute. À mer basse, le chemin sera ouvert. »« Mais qui peut vous faire croire ?» demanda Pencroff. « Il ne nous aurait pas appelés si les moyens devaient manquer pour arriver jusqu'à lui. » Cyrus Smith avait parlé avec un tel accent de conviction qu'aucune objection ne fut soulevée. Son observation, d'ailleurs, était logique. Il fallait admettre qu'une ouverture, praticable à mer basse, que le flot obstruait en ce moment, s'ouvrait au pied de la muraille. C'était quelques heures à attendre. Les colons restèrent donc silencieusement blottis sous une sorte de portique profond, creusé dans la roche. La pluie commençait alors à tomber, et ce fut bientôt en torrent que se condensèrent les nuages déchirés par la foudre. Les échos répercutaient le fracas du tonnerre et lui donnaient une sonorité grandiose. L'émotion des colons était extrême. 1000 pensées étranges, surnaturelles, traversaient leur cerveau, et ils évoquaient quelque grande et surhumaine apparition qui, seule, eût pu répondre à l'idée qu'ils se faisaient du génie mystérieux de l'île. À minuit, Cyrus Smith, emportant le fanal, descendit jusqu'au niveau de la grève afin d'observer la disposition des roches. Il y avait déjà 2 heures de mer baissée. L'ingénieur ne s'était pas trompé. La voussure d'une vaste excavation commençait à se dessiner au-dessus des eaux. Là, le fil se coudant à angle droit pénétrait dans cette gueule béante. Cyrus Smith revint près de ses compagnons et leur dit simplement « Dans 1 heure, l'ouverture sera praticable. »« Elle existe donc ?» demanda Pencroff. « En avez-vous douté ?» répondit Cyrus Smith. « Mais cette caverne sera remplie d'eau, jusqu'à une certaine hauteur, » fit observer Harbert. « Ou cette caverne assèche complètement, » répondit Cyrus Smith, « et dans ce cas, nous la parcourrons à pied. » Où elle n'assèche pas, et un moyen quelconque de transport sera mis à notre disposition. 1 heure s'écoula. Tous descendirent sous la pluie au niveau de la mer. En 3 heures, la marée avait baissé de 15 pieds. Le sommet de l'arc tracé par la voussure dominait son niveau de 8 pieds au moins. C'était comme l'arche d'un pont, sous laquelle passaient les eaux mêlées d'écume. En se penchant, l'ingénieur vit un objet noir qui flottait à la surface de la mer. Il l'attira à lui. C'était un canot, amarré par une corde à quelque saillie intérieure de la paroi. Ce canot était fait en tôle boulonnée. Deux avirons étaient au fond sous les bancs. « Embarquons, » dit Cyrus Smith. Un instant après, les colons étaient dans le canot, Nab et Ayrton s'étaient mis aux avirons, Pencroff au gouvernail. Cyrus Smith à l'avant, le fanal posé sur l'étrave, éclairait la marche. La voûte, très surbaissée, sous laquelle le canot passa d'abord, se relevait brusquement. Mais l'obscurité était trop profonde et la lumière du fanal trop insuffisante pour que l'on pût reconnaître l'étendue de cette caverne, sa largeur, sa hauteur, sa profondeur. Au milieu de cette substruction basaltique régnait un silence imposant. Nul bruit du dehors n'y pénétrait, et les éclats de la foudre ne pouvaient percer ces épaisses parois. Il existe en quelques parties du globe de ces cavernes immenses, sortes de cryptes naturelles qui datent de son époque géologique. Les unes sont envahies par les eaux de la mer, d'autres contiennent des lacs entiers dans leurs flancs, telle la grotte de Fingal dans l'île de Staffa, l'une des Hébrides, telles les grottes de Morgat sur la baie de Douarnenez en Bretagne, les grottes de Bonifacio en Corse, celle du Lysfjord en Norvège, telle l'immense caverne du Mammouth dans le Kentucky, haute de 500 pieds et longue de plus de 20 milles, en plusieurs points du globe, la nature a creusé ces cryptes et les a conservées à l'admiration de l'homme. Quant à cette caverne, que les colons exploraient alors, s'étendait-elle donc jusqu'au centre de l'île? Depuis un quart d'heure, le canot s'avançait en faisant des détours que l'ingénieur indiquait à Pencroff d'une voix brève, quand à un certain moment, « Plus à droite, » commanda-t-il. L'embarcation, modifiant sa direction, vint aussitôt longer la paroi de droite. L'ingénieur voulait, avec raison, reconnaître si le fil courait toujours le long de cette paroi. Le fil était là, accroché aux saillies du roc. « En avant, » dit Cyrus Smith. Et les deux avirons, plongeant dans les eaux noires, enlevèrent l'embarcation. Le canot marcha pendant un quart d'heure encore, et depuis l'ouverture de la caverne, il devait avoir franchi une distance d'un demi-mille, lorsque la voix de Cyrus Smith se fit entendre à nouveau. « Arrêtez, » dit-il. Le canot s'arrêta, et les colons aperçurent une vive lumière qui illuminait l'énorme crypte, si profondément creusée dans les entrailles de l'île. Il fut alors possible d'examiner cette caverne dont rien n'avait pu faire soupçonner l'existence. À une hauteur de 100 pieds s'arrondissait une voûte, supportée par des fûts de basalte qui semblaient avoir tous été fondus dans le même moule. Des retombées irrégulières, des nervures capricieuses s'appuyaient sur ces colonnes que la nature avait dressées par milliers aux premières époques de la formation du globe. Les tronçons basaltiques, emboîtés l'un dans l'autre, mesuraient 40 à 50 pieds de hauteur, et l'eau, paisible malgré les agitations du dehors, venait en baigner la base. L'éclat du foyer de lumière, signalé par l'ingénieur, saisissant chaque arête prismatique et les piquant de pointes de feu, pénétrait pour ainsi dire les parois, comme si elles eussent été diaphanes et changeant en autant de cabochons étincelants les moindres saillies de cette substruction. Par suite d'un phénomène de réflexion, l'eau reproduisait ses divers éclats à sa surface, de telle sorte que le canot semblait flotter entre deux zones scintillantes. Il n'y avait pas à se tromper sur la nature de l'irradiation projetée par le centre lumineux dont les rayons, nettes et rectilignes, se brisaient à tous les angles, à toutes les nervures de la crypte. Cette lumière provenait d'une source électrique, et sa couleur blanche en trahissait l'origine. C'était là le soleil de cette caverne, et il l'emplissait tout entière. Sur un signe de Cyrus Smith, les avirons retombèrent en faisant jaillir une véritable pluie d'escarboucles, et le canot se dirigea vers le foyer lumineux dont il ne fut bientôt plus qu'à une demi-encablure. En cet endroit, la largeur de la nappe d'eau mesurait environ 350 pieds, et l'on pouvait apercevoir, au-delà du centre éblouissant, un énorme mur basaltique qui fermait toute issue de ce côté. La caverne s'était donc considérablement élargie, et la mer y formait un petit lac. Mais la voûte, les parois latérales, la muraille du chevet, tous ses prismes, tous ses cylindres, tous ces cônes étaient baignés dans le fluide électrique, à ce point que cet état leur paraissait propre, et l'on eût pu dire de ces pierres taillées à facettes comme des diamants de grand prix qu'elles suaient la lumière. Au centre du lac, un long objet fusiforme flottait à la surface des eaux, silencieux, immobile. L'éclat qui en sortait s'échappait de ses flancs, comme deux gueules de four qui eussent été chauffées au blanc soudain. Cet appareil, semblable au corps d'un énorme cétacé, était long de 250 pieds environ et s'élevait de 10 à 12 pieds au-dessus du niveau de la mer. Le canot s'en approcha lentement. À l'avant, Cyrus Smith s'était levé. Il regardait, en proie à une violente agitation. Puis, tout à coup, saisissant le bras du reporter, « Mais c'est lui, ce ne peut être que lui, » s'écria-t-il, « lui !» Puis il retomba sur son banc en murmurant un nom que Gédéon Spilett fut seul à entendre. Sans doute le reporter connaissait ce nom, car cela fit sur lui un prodigieux effet, et il répondit d'une voix sourde, « Lui ? Un homme hors la loi ? Lui !» dit Cyrus Smith. Sur l'ordre de l'ingénieur, le canot s'approcha de ce singulier appareil flottant. Le canot accosta la hanche gauche, de laquelle s'échappait un faisceau de lumière à travers une épaisse vitre. Cyrus Smith et ses compagnons montèrent sur la plateforme. Un capot béant était là. Tous s'élancèrent par l'ouverture. Au bas de l'échelle se dessinait une coursive intérieure, éclairée électriquement. À l'extrémité de cette coursive s'ouvrait une porte que Cyrus Smith poussa. Une salle richement ornée, que traversèrent rapidement les colons, confinait à une bibliothèque dans laquelle un plafond lumineux versait un torrent de lumière. Au fond de la bibliothèque, une large porte, fermée également, fut ouverte par l'ingénieur. Un vaste salon, sorte de musée, où étaient entassés avec tous les trésors de la nature minérale, des œuvres de l'art, des merveilles de l'industrie, apparut aux yeux des colons qui durent se croire féeriquement transportés dans le monde des rêves. Étendus sur un riche divan, ils virent un homme qui ne sembla pas s'apercevoir de leur présence. Alors, Cyrus Smith éleva la voix et, à l'extrême surprise de ses compagnons, il prononça ces mots. « Capitaine Nemo, vous nous avez demandé ? Nous voici !»